entendu un gros boum. Enfin, tout a pété. La police. C'est la merde. L'armée. C'est la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Et tiens. Salut, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission du magazine Libertaire. Ici, on cause d'actualité des luttes de la France et du monde qui pue et on essaye de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu dans les médias d'habitude. Le Maglib est diffusé tous les mercredis de 12h05 à 13h30 sur JetFM 91.2 et sur jetfm.fr. Alors comme nous sommes en direct, vous pouvez nous écouter et nous contacter par téléphone pendant l'émission au 02 28 25 23 88. Ou nous envoyer des mails sur notre adresse à maglib@riseup.net. Et vous pouvez aussi nous retrouver avec nos podcasts sur notre site maglib.noblogs.org. Alors dans l'émission du jour, on fera un petit point d'annonce à la fin de l'émission. D'abord, on sautera aussi dans le nucléaire militaire français. On causera des condamnations de Deliveroo roux par la justice et du management algorithmique. Mais pour commencer, on va parler de la mort d'un jeune tué par la police à Marseille et des mécanismes de criminalisation qui s'en suivent. Oui, on va parler tout d'abord d'un mort d'un jeune de 18 ans du côté de Marseille. On voulait relayer cette information car, comme souvent, en fait, suite à une intervention policière, les personnes subissent des violences et en meurent. C'est une information qu'on relaye de la part d'un site collaboratif qui s'appelle mars-info.org. Donc, il y a un collectif qui s'appelle le collectif de la Maison Blanche et qui publie sur Facebook des vidéos qui annoncent le meurtre de Mehdi. Donc, Mehdi qui avait 18 ans, c'était la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Et nous retranscrivons ici les paroles. Ce soir, c'est la BAC Nord de Marseille qui a ouvert le feu sur un jeune de 18 ans. Ce soir, c'est une vie qu'ils ont enlevée, c'est une famille qu'ils ont détruite, c'est tout un quartier qui est meurtri. Il était à l'arrière de la voiture, de ce qu'on a compris, ils se sont fait poursuivre jusqu'à l'entrée d'un tunnel et ils sont sortis en courant. Et lui, Mehdi, donc, est resté dans la voiture. Dès qu'il a ouvert la porte, les policiers l'ont tiré dessus. Ils l'ont tiré dessus et ils l'ont laissé par terre. Ils l'ont mis au sol, ils l'ont menotté, ils lui ont mis des coups de pied dans la tête au lieu d'appeler les pompiers. Donc il y a un homme qui a filmé, qui tenait une caméra et qui s'écriait en même temps « Mais où sont les médias ? Il faut que ça se sache !» Du coup, on relaye l'information. Et le seul article qui est paru pour le moment, c'est dans un article du journal local qui s'appelle La Provence et qui brode sans aucune gêne le terme de braqueur armé de cité, comme le font toujours donc les torchons, donc les journaux, donc lorsque la police tue. Et pour répondre à ce mépris, il y a le collectif de la Maison Blanche qui a écrit donc dans la nuit une démo, donc qui je vous cite donc cet écrit. Ce soir, on nous parle d'un braqueur. Nous, on vous parle d'un petit frère du quartier qui a la vie dont à qui la vie ne lui a pas fait de cadeau. Non, les témoins confirment qu'il n'a pas levé d'armes donc sur eux, donc il n'a pas levé d'armes sur la police. Ils confirment aussi qu'ils lui ont tiré dessus et qu'ils l'ont frappé au sol malgré les blessures avec des phrases du style « on t'a eu ». Les témoins ont essayé de calmer le jeu et d'appeler les pompiers. Mais les policiers les ont fait reculer et quand ils se sont rendus compte qu'il était en train de suffoquer. Ce soir, Mehdi n'est plus parmi nous. Ce soir, un policier a dit à sa mère devant nous tous « Ton fils, il n'avait qu'à pas voler ». C'est ce qui a provoqué la haine. Ce soir, on a perdu un enfant, un jeune de 18 ans à peine. Alors, je voulais aussi continuer sur un autre article qui est paru aussi sur Mars. info.org en fait, et qui dénonce justement un schéma pro-police bien rodé, c'est-à-dire que dans à chaque fois qu'une personne meurt donc suite à une interpellation policière, il y a tout un schéma qui est mis en place pour justement discréditer les paroles des personnes qui sont témoins et pour soutenir la police et faire en sorte qu'ils ne seront jamais condamnés. Donc, c'est une critique des médias. Donc, voilà. Trois jours après l'assassinat de Mehdi, habitant de la cité Maison Blanche, le plus mauvais journal de Marseille, donc on l'a cité, c'est la Provence, ne se gêne pas de publier des articles contenant des fausses informations. Depuis le meurtre de Mehdi, donc, peu de médias ayant publié les articles sur cette histoire révoltante. Selon une vidéo du collectif habitant de la Maison Blanche, les médias auraient été interdits vendredi soir de venir sur place, donc le jour où Mehdi a été tué. Alors que quand il y a des règlements de compte, les articles fusent moins d'une demi-heure après les faits. La lecture de quelques articles parus donc, dans le journal La Provence force à constater que, sans surprise, les articles de ce puissant journal sont en train de construire une histoire basée sur des informations de sources proches, entre guillemets, non citées ni décrites, et qui correspond parfaitement au scénario qui est bien rodé, dans lequel la légitimité des actions policières ne peut être remise en question et que la victime est toujours coupable. Effectivement, c'est ce qu'on retrouve en général à chaque fois qu'une personne meurt sous les coups de la police. Cette version des faits est d'ailleurs depuis le tout début contestée par les témoins et le collectif de la Maison Blanche. On peut suivre donc toutes les informations sur le Facebook du collectif de la Maison Blanche. Donc cet article rappelle qu'en août 2018, sur le site internet paris-lutte.info, il y a un article qui a été publié et qui s'intitule « Autopsie des techniques policières et journalistiques pour maquiller les violences policières ». Donc dans cet article, les auteurs décrivent un schéma systématique. Et du coup, les personnes qui ont écrit ce texte que je suis en train de vous lire ont utilisé des passages donc, de cet article afin de démontrer à quel niveau la complicité entre les médias réactionnaires et la police n'a rien d'exceptionnel. Donc il y a un article qui est paru dans La Provence et qui s'intitule « Fusillade des marronniers ». Donc il est paru le 16 février. Donc il s'intitule « Fusillade des marronniers, deux points, le début d'une double enquête ». Donc il y a un journaliste donc, de La Provence qui écrit que le policier tireur est présenté de sources proches de l'enquête comme un bon professionnel qui a 20 ans de police, dont 13 ans de bac. La thèse de la légitime défense est fortement privilégiée à ce stade, dans la mesure où le malfaiteur a mis en joue les policiers avec son fusil à pompe. Donc là, tout est fait pour soutenir, en fait, pour dire bah, c'était un méchant braqueur et du coup, il a failli tirer sur le gentil policier. Mais voilà, donc là, le journaliste raconte ça dans son article. Le lendemain, dans le même journal, donc ce même journaliste écrit encore dans un article qu'une expertise balistique a été ordonnée, mais selon les informations, l'arme du braqueur aurait déjà parlé. Elle se serait enrayée au moment du tir. Du coup, une balle aurait été retrouvée engagée dans le fusil à pompe qu'aurait tenu donc le jeune Mehdi qui est décédé. Dans cette hypothèse, les deux policiers successivement ciblés par Mehdi donc, sont passés de peu à côté de la mort. C'est ce que raconte l'article de journal, hein, c'est pas ce qu'on dit nous. Je précise bien. La procureure de la République de Marseille donc, a évoqué samedi dans un communiqué le fait qu'un fonctionnaire de police a ouvert le feu à plusieurs reprises après avoir été lui-même, puis un de ses collègues, mis en joue par un des malfaiteurs armé d'un fusil. On voit bien que là, le réflexe de la police et de la préfecture, c'est de communiquer sur la légitime défense des policiers. Et ça, c'est une stratégie qu'on voit, qu'on retrouve dans plusieurs affaires, en fait, après plusieurs décès de personnes donc, sous les coups de la police. En effet, rapidement, la communication par voie de presse fait croire que la situation était simple et dangereuse et que les flics donc, n'avaient pas le choix. La préfecture va alors écrire un communiqué repris avec moins de conscience journalistique possible par les médias avides de sensations fortes et de faits divers sordides pour expliquer les circonstances du drame ou de l'intervention dans des circonstances difficiles des forces du désordre. Donc la base de rhétorique, en fait, ça s'organise. On dit que les policiers ont été attaqués donc par une personne, par des personnes d'un quartier, par des délinquants dangereux ou des gens radicalisés. Donc tout ça, c'est la base de la rhétorique policière. Les policiers, on dit que les policiers se sont fait attaquer pour justifier leur le fait qu'ils aient tué une personne. Quelles que soient les circonstances, les flics doivent avoir l'air de victimes qui ont simplement riposté et n'avaient pas le choix. Ils seraient donc, a priori, en état de légitime défense. On peut, donc, il y a un autre aspect qui est appuyé donc, par le journaliste dans le journal de la Provence. Et c'est bien sûr le passé de la personne qui est décédée. Donc là, le passé de Mehdi et de son entourage. Et selon ces informations, en fait, Mehdi avait déjà eu affaire à la police, à la justice, il y a quelques années. Et que du coup, voilà, c'était des personnes connues des services de police. Et ce qui, c'est pas dit dans l'article, mais ce qui pourrait faire penser que ça justifierait le fait que Mehdi ait été. Moi, c'est sous-jacent. Hein, oui. Voilà. Et du coup, j'ai oublié de dire si dans l'histoire donc, qui s'est déroulée vendredi dernier, lorsque Mehdi a été tué, il y a eu deux personnes qui ont été arrêtées en même temps. Et du coup, dans l'article donc, qui est paru dans la Provence, histoire de bien appuyer aussi le fait que c'était des délinquants, des braqueurs, qu'ils étaient dangereux, voilà. Donc les deux autres personnes, qui ont été arrêtées le soir même, donc que Mehdi a été tué, donc ont été mis en garde à vue. Et il est aussi dénoncé dans l'article que ces personnes étaient aussi connues des services de la police et qu'ils étaient aussi dangereux que la personne qu'ils ont abattue. Alors, dans l'article aussi, il est dit que, dans l'article que j'ai entre les mains, donc, qui est écrit par le collectif de la Maison Blanche, il est dit que, donc, du coup, la communication se fait essentiellement sur le fait que la victime est coupable de beaucoup de choses illégales, donc ce qu'on vient de dire, voilà, qui est en rapport ou non avec les circonstances donc, de l'affaire du jour où la personne est décédée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et il y a aussi, du coup, une comment dire, tout ce qui est la personne, la famille des victimes, tout le soutien à la personne décédée et à sa famille est discrédité. Donc ici, dans l'histoire du décès de Mehdi, en fait, on peut retrouver un article aussi dans le journal de la Provence qui ment donc à propos d'une et qui dit qu'une soixantaine d'individus voulaient s'en prendre à l'hôtel de police donc le soir même ou le lendemain et mais en fait c'est en vérité c'est simplement des personnes qui sont venues devant le commissariat crier des slogans et qui demandaient la libération donc des deux personnes qui ont été mises en garde à vue donc le soir où Mehdi a été tué. Et voilà, comme le décrit le collectif habitant de la Maison Blanche, les personnes rassemblées demandaient la libération du meilleur ami de Mehdi qui a été embarqué par la police quand les gens du quartier sont descendus dans la rue, ayant compris que quelque chose de grave était arrivé à l'un des leurs. Donc voilà, et tout ceci, donc cet article, vous pouvez le retrouver sur mars-info.org. Et sinon, c'est inspiré donc d'un article qui est paru sur paris-lutte.info qui s'appelle Autopsie des techniques policières et journalistiques pour maquiller les violences policières et qui date de d'août 2017. Et c'est vrai qu'on retrouve à chaque fois les mêmes schémas, le même déroulé, les mêmes mécanismes en fait de criminalisation des personnes qui sont mortes sous les coups de la police et la même victimisation en fait des policiers qui ont tiré, qui ont donné la mort aux personnes et qui sont toujours blanchis et qui continuent toujours à exercer. Il y a plusieurs autres informations que vous pouvez retrouver aussi. Sur Acrimed, il y a des... Acrimed, donc, qui est un site d'information, de critique, de médias, qui est indépendant. Et vous pouvez retrouver des informations et des vidéos aussi sur... Je ne retrouve plus mon papier. Alors, c'est... Comment ça s'appelle ? C'est la description, donc, des violences... De la manière de traiter les violences policières, en fait, dans les médias, la manière de décrire les violences policières et l'insécurité aussi qui est mise en avant. Et voilà, il est là mon papier, voilà, c'est le traitement médiatique de l'insécurité, donc ce sont des vidéos. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour à ce sujet, il y a le collectif Angle Mort qui a écrit un livre qui date de 2014 qui s'appelle « Permis de tuer » et qui revient aussi sur ces mécanismes de mise en œuvre du permis de tuer justement. De dire, les personnes sont des méchants voleurs et nous, on a des gentils policiers, ils sont défendus et ils ont tué, voilà. Donc, je vais arrêter là et on va passer un petit morceau de musique avant de continuer à la suite de l'émission. De sons et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escaliers que gentiment on nous héberge, dès qu'on a fait de nos paliers de vrais coups de gorge, tu es sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde, comme des hordes de barbares en afro ou à barbe que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burne chez les uniformes et que des vies germent dans nos épidermes et que c'est le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme, tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes, que si tous boxons sous ton balcon s'acharnent, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme. Qui sont-ils? Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force, brassard de police et drapeau sur le sans légitime défense. Et rappelle qu'ici quand même on est en France. Et que toi tu penses et fais des sacrifices. C'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs. Ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux. Et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès. Des sales manouches, des sales bico et négresses. Les collègues t'applaudissent et une juge te caresse. Et pour fêter ça, tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils? S'arrête le trafic et la contrebande. Beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande. Tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades. Sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade. Avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français malades ton aide. Leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide. Afin de terminer pour une fois dans des poudres. Avec ces voyous qui te vendent flingues et poudres. Qu'ils viennent sur les listes électorales. Et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose. Voilà ce que ton programme présidentiel propose. Qui sont-ils? Vous êtes toujours dans l'émission du magazine Libertaire sur Jet FM 91.2 à Nantes et autour de Nantes et sur jetfm.asso.fr. Du coup, maintenant, nous allons parler de condamnation de Deliveroo par la justice et de management algorithmique. Exactement. On va commencer par vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui est au chômage, qui a besoin de thunes et qui va chercher du taf. Alors il va contacter Deliveroo et il va devenir coursier pour cette entreprise. Comme tous les coursiers et toutes les coursières de chez Deliveroo et des entreprises du même genre, le contrat qu'il va signer, c'est pas un contrat de travail, mais un contrat de prestation de service en tant que travailleur indépendant. Vous savez, ce merveilleux statut qui vous promet de travailler dans la plus grande liberté. Vive la flexibilité. Il se retrouve donc dans la même situation qu'un tas d'autres auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses qui travaillent dans la livraison, bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines de ce qui s'appelle aujourd'hui l'économie de plateforme. Il est payé une misère et il a des conditions de travail de merde. Il cotise à la sécurité sociale des indépendants. Pourtant, il ne sera pas indemnisé la première année en cas d'arrêt maladie. Et les années suivantes, ses arrêts seront moins bien pris en charge quand ils sauront s'il remplit un certain nombre de critères. Il n'aura aucune indemnité en cas d'accident de travail, bien sûr, puisque c'est lui son propre patron. Il n'aura pas d'indemnité chômage s'il vient à arrêter de travailler pour la plateforme. Bon, ça, depuis, ça a changé depuis la réforme chômage 2019. En tout cas, pour la personne là dont on raconte l'histoire, c'est avant 2019. Et du coup, il n'aura pas d'indemnité chômage s'il vient de, si son contrat s'arrête. Il n'a pas le droit au congé payé, ne bénéficie pas de la durée légale du temps de travail qui est censé être limité à 35 heures en France, ni des 11 heures de repos quotidien. Il n'a pas d'indemnité non plus en cas de licenciement, bien sûr. D'ailleurs, chez Deliveroo, on ne parle pas de licenciement, on parle de résiliation ou alors, tenez-vous bien, de désactivation. Comme il est travailleur indépendant et que l'entreprise n'est donc pas son employeur, il n'a pas non plus la possibilité de s'adresser à un ou une déléguée du personnel. Il n'y a pas non plus de comité social et économique. en plus de ses conditions de travail. Il va constater des abus par rapport au statut de travailleur indépendant, comme par exemple le fait de recevoir des ordres, d'avoir des obligations autres que celles issues du contrat de service, et le fait aussi que son travail soit évalué et contrôlé par des algorithmes mis en place par Deliveroo. Il est donc dans une situation où il n'a pas les droits des salariés, si on peut appeler ça des droits, mais où il en a tous les inconvénients. Pour illustrer ça, on va écouter le témoignage de Nassim, qui a été réalisé par l'émission Les Pieds sur Terre, qu'on peut écouter sur France Culture. Je m'appelle Nassim, j'ai 35 ans, 4 enfants. J'étais chauffeur poids lourd il y a un peu plus d'un an, en CDI, tranquillement. Je voulais regarder si je trouvais pas un autre métier avec plus de flexibilité pour mes enfants, pour la vie de famille, pour avoir la possibilité d'aller les chercher à 4 heures, de faire le sport avec eux le soir en fin d'après-midi. Et j'ai vu sur Internet, on m'en avait déjà parlé, sur le métier des livreurs à vélo de repas, que ce soit pour Uber Eats ou Deliveroo. Bon, moi, j'ai choisi Deliveroo parce qu'apparemment, c'était un peu plus encadré. Il y avait un système de créneaux qui nous garantissait un minimum de commandes par heure. Donc, c'est ça qui me plaisait plus que Uber Eats où vous savez pas combien vous allez gagner. J'ai postulé, je suis rentré chez Deliveroo il y a un an. Donc, au départ, je me rends compte qu'il y a un planning avec des obligations de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Et je me dis, c'est un peu bizarre. Donc, je contacte Deliveroo par mail. Déjà, je suis étonné, il n'y a pas de numéro de téléphone. Tout se fait par mail. Et souvent, quand vous envoyez un mail, c'est un robot qui vous répond. En fait, vous avez une réponse automatique à chaque fois. Et au bout de 4-5 mails, quand vous insistez sur votre problème, à ce moment-là, vous avez un opérateur. Bon, un opérateur qui est souvent, malheureusement, c'est pas de leur faute, mais ils sont souvent incompétents. Je suis au courant qu'ils sont à Madagascar. Donc déjà, c'est des personnes qui maîtrisent pas très bien le français. Mais vous avez pas la possibilité, de toute façon, si vous leur posez la question pour les rencontrer, ils vous disent qu'ils mettent en place chaque semaine des roues café. Ils vous rencontrent au fin fond d'une rue. Roux café, ils appellent ça. Roux, R2O, café. D'accord. Bon, c'est en anglais. En fait, c'est une sorte de permanence. Mais quand dans ils vous rue. Rencontrent, voilà, dans la rue. Mais le plus gros problème, c'est que quand vous les rencontrez, c'est toujours la même phrase. Nous, on gère rien ici, il faut voir avec Londres. Parce que le siège social de Deliveroo se trouve à Londres. Et apparemment, les pleins pouvoirs sont à Londres. En France, ce ne sont que des intermédiaires. Mais moi, je n'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai signé en France. Les restaurants avec qui je travaille, ils sont en France. Les clients, ils sont en France. Donc je comprends pas pourquoi on me parle de Londres. La première phrase que j'ai eue dans le dossier de candidature de Deliveroo, c'est la flexibilité. Donc je leur demande, est-ce qu'il y a possibilité de ne pas travailler vendredi, samedi, dimanche, pour m'occuper justement de ma famille? On me dit, oui, il n'y a aucun souci. Mais je me rends compte que j'ai ces trois jours-là, vendredi, samedi, dimanche, l'obligation de travailler de 20h à 22h pour ne pas baisser mes statistiques. Parce que chez Deliveroo, ce système de statistiques vous permet, si vos statistiques sont parfaites, et même pas bonnes, hein, parfaites, d'avoir un minimum d'heures chaque semaine. Pour être parfait, il ne faut aucun retard, interdiction d'être malade, bien sûr. Donc en fait, il faut être prévoyant. Si vous sentez que vous allez être malade dans 10 jours, il faut que vous le sentiez. Si vous le sentez mal, si vous arrivez à la dernière minute, bah malheureusement, vos statistiques vont baisser. Vous n'aurez pas la possibilité de prendre les pics. Et comme les pics sont obligatoires à travailler, et bah comme vous ne les avez pas pris, et bah vos pics ne vont pas monter, la statistique des pics. Donc c'est un engrenage. Donc vous avez des gens, mais c'est vraiment malheureux. Hein. Pour prendre des pics, je connais des personnes qui ont dû aller à Amiens, à Lille, à Rouen. Ils allaient jusqu'à là-bas par leurs propres moyens, parce que là-bas, il y a beaucoup moins de bikers, et ils revenaient pour valider leur pic. En fait, on travaille pour un algorithme. Mais vraiment, et cet algorithme-là, c'est votre patron. Ce patron-là, il vous oblige de travailler certaines heures, et quand ce patron-là, vous lui dites « Mais vraiment, j'ai un certificat médical, je vais me faire opérer en urgence, j'ai quelque chose de grave », ce n'est pas pris en compte. On vous dit que vous êtes indépendant, qu'on ne gère pas tout ça. Mais je suis indépendant, mais vous m'obligez de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Et ce cercle vicieux-là, il engendre quoi? Une pression psychologique. Vous avez des bikers, carrément, ils se réveillent en pleine nuit parce qu'il a peur que ses statistiques aient baissé. Ils se réveillent, oh, non, mes statistiques, elles ont baissé. Et en fait, c'est un cauchemar. Deliveroo a un certain son dans sa notification. Il y a des personnes, quand ils entendent cette notification-là, mais leur tête, elle change. Ah mince, j'ai peut-être loupé un créneau. Ah mince, je suis peut-être plus à 11h. Ah mince. Mais c'est horrible, ça lui arrive sur la route avec son scooter ou son vélo. Il va regarder son téléphone parce qu'il a une notification. Malheureusement, il y a une voiture qui est sortie ou quoi que ce soit. Et si vous avez une commande avec vous, bah, on va vous dire quel est l'état de la commande. Parce que quand vous avez un accident et que vous les contactez, avant de vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous arrive, appelez les pompiers, est-ce qu'on peut vous aider? Non, on vous demande l'état de la commande. Et de prendre obligatoirement une photo de la commande, qui est abîmée. Et si vous ne le faites pas, on vous déduit le montant de la course. Parce qu'il y a cet algorithme-là qui vous suit, qui vous surveille, qui vous donne certains ordres, et si vous ne les appliquez pas, ben vous ne pourrez pas travailler. J'ai travaillé, j'ai passé l'hiver 2018. C'est très dur. Par semaine, je suis arrivé à 62 heures. Sur une journée complète, vous allez faire entre 35 et 40 commandes. Sur un mois, si vous restez sur cette cadence-là, vous allez faire entre 1100 et 1200 commandes. C'est énorme, énorme. Ça va vous faire une commande toutes les 12-13 minutes. C'est-à-dire, vous recevez la commande, vous allez au restaurant partenaire, souvent il y a de l'attente un petit peu, vous prenez la commande, vous allez jusqu'au client et ensuite vous validez. Et vous faites ça, voilà, c'est une routine tous les jours. En gros, vous faisiez du 13-14 euros net. Bon, on se disait que c'était pas mal. Bon, moi, j'arrivais à faire du 3000 euros brut. On va dire 2500 net, mais avec 60 heures de travail par semaine. Quand il pleuvait, ou qu'il neigeait, ou qu'il y avait de fortes intempéries qui faisaient en dessous de zéro, vous aviez un système de bonus, c'est-à-dire que vous avez un montant, 50 centimes, 1 euro, voire ça peut monter jusqu'à 2 euros, en plus sur chaque commande. Donc ça vous boostait. C'était pas mal au départ, parce que les bonus étaient assez respectés. Ça a duré jusqu'à fin 2018. Et début 2019, les bonus ont commencé à disparaître. J'ai mis une croix sur ma vie familiale. Quand vous êtes un peu moins présent, bah, ça crée des tensions. Depuis que je suis chez Deliveroo, je ne suis jamais parti en vacances. Parce que ce n'était pas possible. Donc les personnes, ils font quoi? Ils prêtent leur compte à certains amis. Il y a des milliers de migrants, de sans-papiers qui rêvent de travailler. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ils sont prêts à donner 200 euros, 300 euros par semaine pour aller travailler chez Deliveroo pour qu'on leur loue un compte. Toute l'année 2019, pas de bonus, donc il pleut, il neige, surtout que l'hiver, il était vraiment très rude, au janvier-février, on avait atteint des moins 12. On arrive au mois de juin 2019, il y a eu une canicule, juillet était le plus chaud depuis que la météo existe. Au mois de juin, sur Paris, moi j'avais mesuré, au soleil, il faisait 49 degrés. Donc on recevait des messages, faites attention, si vous désinscrivez de vos créneaux, vos statistiques ne seront pas impactées. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, plein de personnes se sont désinscrites parce qu'ils ne supportaient pas et leurs statistiques ont baissé. Je connais peut-être une dizaine de livreurs qui ont arrêté des verrous pendant la canicule. Ils ont commencé à envoyer des mails, mais j'ai reçu ça, regardez, ils faisaient des captures d'écran, tout le monde. Moi, je leur disais, gardez bien les messages. Et quand vous les contactez, ils me disent, oui, c'est un bug. Mais moi, si vous m'auriez dit, mais j'aurais pas travaillé, madame ou monsieur, enfin, le robot. Donc, la canicule est passée. Nous, bikers, on attend impatiemment la nouvelle mise à jour. On se dit, tout ce qu'on subit à la canicule, tout ça, ils vont nous mettre bien. Le 30 juillet, on reçoit un mail que le lendemain, le 31 juillet, une nouvelle tarification en vigueur va être mise en place. On reçoit tout ça sur toute la France. Du jour au lendemain, il n'y avait plus de tarification minimum. Vous pouvez recevoir une course à 2 euros, 2,50 euros. C'est-à-dire la veille, la même course était à 4,70 euros. Le lendemain, à la même heure, le même restaurant, le même client, la course, elle est à 2,20 euros, 2,30 euros, 2,40 euros. Et en fait, ils se sont alignés sur le modèle Uber Eats. Là, ça a été la révolte. Même des personnes sans papier ne voulaient plus travailler. Là, c'est un choc. C'est un très, très, très gros choc. On est de retour au direct du magazine Libertaire sur Jet FM. On vient donc d'écouter le témoignage de Nassim sur les conditions de travail et d'exploitation, chez Deliveroo. Bien sûr, ça concerne pas que Deliveroo, ce genre de pratique, mais comme aujourd'hui on parle du procès de Deliveroo, on a choisi aussi d'axer. Sur ces conditions de travail là-bas. On va revenir à l'histoire du coup que je racontais au début, donc cette personne qui a signé un contrat de prestation de service en tant qu'auto-entrepreneur et qui finalement se rend compte qu'elle a bien un patron sur le dos. Cette personne, elle va saisir le tribunal des prud'hommes pour faire requalifier son contrat de prestation en contrat de travail. Et au bout de 3 ans de procédure, 3 ans, c'est quand même plutôt long, le tribunal va lui donner raison et va reconnaître le lien de subordination qui existe entre ce coursier et Deliveroo. Deliveroo. Et donc, qui dit lien de subordination avec l'employeur, dit salariat et donc obligation de contrat de travail. Pour ça, le tribunal, il a d'abord repris les arguments d'une jurisprudence qui existait en France, qui s'appelle la jurisprudence Take It Easy, du nom de l'ancienne entreprise que des livreurs et livreuses avaient traînée au prud'homme, et pour qui la justice avait aussi reconnu le statut de salarié en s'appuyant sur les pratiques suivantes. Donc la géolocalisation, qui permet la géolocalisation en temps réel, hein, qui permet un contrôle des livreurs et des livreuses. Et le pouvoir de sanction, comme par exemple le fait que l'entreprise puisse mettre fin au contrat du jour au lendemain sans avoir à invoquer aucun motif. Dans le cas du livreur Deliveroo, la justice elle a ajouté d'autres critères qui permettent de caractériser le lien de subordination. Elle a ajouté l'impossibilité pour les coursiers et les coursières de négocier les tarifs qui sont imposés de manière unilatérale par Deliveroo, alors que pour les travailleurs indépendants sont censés pouvoir négocier leurs tarifs. Et elle a ajouté aussi le critère que les zones de travail sont imposées par Deliveroo. Et ça ne devrait pas pouvoir être le cas dans le cadre d'un contrat pour un travailleur ou une travailleuse indépendant. Du coup, voilà. En plus de cette requalification du contrat de travail, cette requalification du contrat de travail, Deliveroo a été condamné pour travail dissimulé à une amende de 30 000 euros. Une amende de 30 000 euros, du coup, l'amende maximum était de 45 000. Ils ont pris 30 000 euros d'amende, mais l'amende de 30 000 euros, c'est une somme dérisoire, en fait, pour une entreprise comme Deliveroo qui fait des milliards de chiffres d'affaires. Et du coup, qui va sûrement préférer à continuer ces pratiques-là d'employer des auto-entrepreneurs plutôt que de salarier ces livreuses et ces livreurs. Et si cette requalification du contrat de prestation au contrat de travail, on peut estimer que c'est une victoire, il ne faut pas penser qu'en passant tous les coursiers et toutes les coursières en contrat de Pardon, il ne faut pas penser que de passer tous les coursiers et toutes les coursières en contrat de travail, ça les protégerait de l'exploitation. Pareil d'ailleurs pour celles et ceux qui rechargent les trottinettes en libre-service, pour les chauffeurs et chauffeuses Uber, etc., pour ne citer que les tafs les plus connus. Alors je ne dis pas du tout que c'est ce que vous pensez, hein, ni que c'est ce que pensent les personnes et les collectifs et les syndicats qui se battent contre ces conditions de travail dans le genre de boîte, mais je voudrais quand même attirer l'attention sur un autre des aspects de ce qu'on appelle l'économie de plateforme, c'est la question de l'organisation du travail, de l'organisation de la production, qui dans ce genre de boîte est hyper contrôlée grâce à ce que le numérique est capable de produire comme outil de surveillance. C'est un peu évoqué dans le témoignage de Nassim qu'on a entendu tout à l'heure. C'est aussi largement dénoncé par les livreurs et les livreuses. Les coursiers sont donc géolocalisés, donc tracés en temps réel sur la plateforme. La plateforme, elle sait quand tu te connectes, elle sait quand tu te déconnectes, elle sait en combien de temps tu fais ton travail, elle sait combien tu refuses de courses, elle sait si tu prends des pauses et elle pousse aussi les clients à mettre des notes et des commentaires sur la prestation. Et la plateforme, du coup, elle récolte et elle conserve des tas de données sur ton travail. Et ces données, elles sont analysées par des algorithmes et elles vont servir à plusieurs choses. Évidemment, la plateforme, elle va s'en servir pour organiser la répartition du travail en fonction de qui est disponible, à quel moment, qui est à quel endroit, etc. Et ça va aussi servir à exercer une pression constante sur les personnes en termes de quantité de travail à fournir et de cadence. Parce que plus tu travailles vite et plus tu acceptes de courses, plus tes statistiques elles vont augmenter. Et plus tu vas avoir le choix dans tes créneaux et plus Deliveroo va te filer du travail. Et comme tu es payé une misère et que tu es payé à la tâche, bah, tu as plutôt intérêt en fait, que Deliveroo il t'en refile du boulot. Un autre genre de pression permis par cette surveillance consiste à supprimer une course que tu es en train de faire parce que tu n'allais pas assez vite en faisant ces courses ou alors que tu n'as pas pris la direction imposée par le GPS. Et à ce sujet, du coup, on va écouter l'avocat de la personne qui a obtenu la requalification du contrat de travail qui explique assez bien ça. Donc il y a des statistiques aussi aujourd'hui pour les nouveaux contrats qui sont mis en place. Donc quand on va en justice, on démontre que le coursier est classé parmi les autres coursiers, pareil pour les VTC, hein, dans les systèmes Uber, etc., qu'il y a un accès au calendrier, certes, où le coursier choisit ses créneaux de travail, mais en fonction de ce que la plateforme définit. Donc ce n'est pas un libre choix, comme ils le disent tout le temps, de travailler quand on veut et où on veut. Non, il y a des zones, c'est eux-mêmes qui définissent le nombre de personnes dont ils ont besoin dans chaque zone, et le coursier, lui, prend ce qui reste. D'autant plus qu'avec le classement, s'il est très bien classé, il a à peu près un choix libre, et encore, il y a des périodes, notamment l'été, les périodes creuses, où ils n'ont quasiment aucun shift, comme on l'appelle, donc aucun créneau de travail. Et puis quand vous êtes mal classé, alors là, parfois, vous pouvez travailler que 5 heures par semaine, et dans les zones que Deliveroo prévoit et qui sont les moins attractives pour les coursiers. Et sur ces preuves encore, aujourd'hui, on voit dans le peu de preuves écrites qui restent, puisqu'ils les évitent au maximum, je vous donne un exemple, un coursier qui s'adresse à Deliveroo sur le chat, qui leur dit « Bonsoir, tout à l'heure j'ai reçu une course, je l'ai acceptée. Je me suis dirigé vers la pompe à essence et 10 minutes après, on m'a retiré la course. J'ai téléphoné pour savoir pourquoi on m'avait retiré cette course. » C'est-à-dire qu'il n'est même pas payé, hein. Il a accepté la course, il a commencé à travailler, on lui a retiré comme ça sans lui dire quoi que ce soit. On m'a répondu que c'est parce que je n'allais pas dans la bonne direction. Comment savez-vous que je n'allais pas dans la bonne direction? Et là, il y a un intervenant de Deliveroo qui se connecte au chat et qui dit « Bonsoir, en fait, c'est parce qu'on peut voir de notre côté votre direction quand vous avez des commandes. On peut vous tracer sur le GPS où vous allez, comme mon collègue vous l'a expliqué tout à l'heure. Merci à vous, bonne soirée et bon shift. » Donc c'est même pas « excusez-nous » ou même pas « on va faire quelque chose pour un dédommagement » ou autre, puisqu'on comprend qu'en fait, vous n'alliez pas dans la bonne direction, mais c'est parce que c'était pour prendre de l'essence. Non, on a attribué la commande à quelqu'un d'autre, vous ne serez pas payé, tant pis pour vous. Puis on en a plein d'autres comme ça. « Bonsoir, vous venez de me retirer la commande, quelle en est la raison ?» Donc ils demandent à Deliveroo pourquoi on leur retire la commande comme ça, pourquoi ils ne seront pas payés alors qu'ils ont déjà fait le déplacement, même jusqu'au restaurant. Réponse de Deliveroo, ah oui je l'ai, apparemment vous mettez un peu trop de temps pour arriver au restaurant selon les notes de mes collègues, je vous invite à passer à autre chose, je vous facture une demi-course. Voilà, c'est Deliveroo qui fait ce qu'il veut aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est n'importe quoi, c'est un statut qui est extrêmement précaire, dont on abuse. Voilà, si on veut retirer une course à un coursier, on la retire, si on veut lui imposer une double course, on lui rajoute une course sur son application sans lui demander. Si il s'est déplacé au restaurant mais que la commande est finalement annulée, on lui retire la course pour ne pas le payer. Si jamais il réclame, on voit, on lui accorde une demi-course ou quelque chose comme ça. On parle de quelques euros hein, par course, puisqu'aujourd'hui ils sont payés à la course et que ça a diminué énormément. Chaque été, ils profitent de l'été pour diminuer le tarif des courses. Donc voilà, une demi-course, c'est peut-être 2 euros pour avoir perdu peut-être un quart d'heure de leur vie, avoir fait le déplacement jusqu'au restaurant, etc. Et puis cette surveillance, elle va aussi permettre à Deliveroo de surveiller les gens qui... si les gens ils sont pas en train de s'organiser collectivement et de les sanctionner les personnes qui revendiquent des meilleures conditions de travail et de rémunération. C'est possible grâce au logiciel Monitoring Rider Location, pardon pour l'accent, qui permet de tracer les livreurs. Et on va écouter à ce propos un extrait de Cache Investigation. Désolé si vous évitez la télé habituellement. Mais en tout cas, Cache Investigation a réussi à trouver... des gens ont envoyé à Cache Investigation des échanges de mails sur comment Deliveroo se permet de casser les grèves. Du coup, on écoute ça maintenant. Octobre 2018, rassemblement de livreurs en colère à Paris. Ce qui nous étonne vraiment ce jour-là, c'est la parano des livreurs qui refusent qu'on les filme. Non, c'est bon, merci. Pourquoi ? C'est le visage en fait. D'accord. C'est pour le contrat, tout ça. Vous travaillez encore et vous avez peur des rétorsions ? Exactement, voilà. C'est-à-dire que moi, les réponses écrites, les informations, je les donne, mais montrer mon visage à la télévision, c'est. D'accord. Non. Mais c'est à cause de Deliveroo ? Ouais, c'est par rapport à ça. Ouais, c'est par rapport à ça, on a peur qu'ils reconnaissent notre tête. Ouais, désolé. C'est 6 mois plus tard que cette histoire un peu banale se transforme en affaire d'espionnage. Quand une source nous confie près de 6000 pages de mails internes à Deliveroo. Dans la masse de documents, un message nous révèle que la société cherche à repérer les livreurs un peu trop réfractaires. Le message est daté du 22 octobre 2018 et fait référence à la manifestation que nous avons filmée. L'objet du courriel est clair. Identification gréviste. L'auteur, un responsable de Deliveroo, explique avoir identifié une grande partie des grévistes grâce au Monitoring Rider Location, le système de géolocalisation de Deliveroo. Et ce n'est pas tout. une fois les grévistes identifiés, on essaye de monter des dossiers contre eux. Pour mesurer la gravité de ces échanges, nous en parlons à l'ancien magistrat de la Cour de cassation. Chasser les grévistes, c'est interdit par la loi. Sanctionner quelqu'un parce qu'il fait grève, c'est interdit par la loi. À ce stade, c'est au patron de Deliveroo que nous voulons poser nos questions. Voilà, c'est là. L'entreprise accepte l'interview. Bonjour monsieur Le Plouf, merci, c'est très gentil d'accepter l'interview. On a eu accès à des échanges de mails en interne, nous en fait. Mail interne entre responsables de Deliveroo, donc ce système de géolocalisation vous a bien permis d'identifier des grévistes. Il n'y a pas d'identification des grévistes en France. La preuve que si. Nous n'identifions pas les grévistes en France. Si c'est avéré, nous condamnerons bien entendu ces pratiques. Il ne dit pas grand-chose, monsieur Le Pioufle. Mais après cette interview, il nous adresse un courriel à propos de l'identification des grévistes pour nous préciser qu'aucun contrat de livreur n'a été résilié suite à ces manifestations. Il ajoute que les manifestations ont été agressives et ont fait l'objet d'une enquête policière. On les a pourtant lus et relus plusieurs fois, les mails internes. Et il est bien question d'identification de grévistes. Et donc voilà, Deliveroo monte des dossiers contre les grévistes et ces dossiers vont aboutir sur des sanctions. On va à nouveau écouter Nassim, qu'on a écouté en début de chronique, donc toujours interviewé par Les Pieds sur Terre. Et Nassim, lui, il s'est fait virer pour avoir participé au mouvement de grève des livreurs et des livreuses à l'automne 2018. Donc voilà. Bon, moi, je suis sur la zone PLDN. PLDN, c'est Paris, la Défense Nord. Donc, moi, j'ai commencé à organiser un mouvement de protestation où j'essayais, par rapport à mon expérience, par rapport à mon âge, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de 25, 27 ans, donc j'essayais de leur parler. Je viens de banlieue comme eux, je suis d'origine maghrébine, donc ils sont plus à l'écoute de moi, je parle un peu plus leur langage. Ils m'écoutaient. Donc, j'ai réussi à rassembler une cinquantaine de livreurs et j'ai contacté certains autres livreurs sur d'autres zones qui ont fait de même. En fait, on avait certains leaders à peu près sur chaque zone. Et on a décidé de faire des mouvements où on refusait toutes les commandes. Comme Deliveroo nous a fait très mal financièrement, on voulait rendre l'appareil. Il était hors de question qu'on travaille pour une boîte qui, du jour au lendemain, nous a divisé par deux notre chiffre d'affaires. Ça a fait très, très mal à Deliveroo, en sachant que le plus gros mouvement qu'on ait fait, c'était le 1er septembre. Et donc, mon nom a commencé à sortir. Le 3 septembre, je reçois un mail en recommandé. Donc, vous êtes étonné. Déjà, vous avez peur. C'est un spam, vous savez. Je clique. Donc, ensuite, vous recevez un message avec un code. Vous entrez le code. Je reçois le truc. Je vois lettre de résiliation de Deliveroo. Cher Nassim Amidouche, nous vous notifions par la présente la résiliation de votre contrat de prestation de service. Cette résiliation prend effet avec un préavis de 21 jours. La rupture sera effective à compter du 24 septembre 2019. J'y croyais pas, en fait. La seconde d'après, j'envoie un mail. Puisque je ne peux pas les appeler, je ne peux pas les rencontrer. Donc j'envoie le mail, je voudrais le motif. Aucune réponse. J'en parle à ma femme, mon épouse, elle me dit « Mais non, mais c'est pas possible, il y a un problème, t'es sûr, il y a par rapport à la grève, je suis sûr que c'est ça, c'est bizarre, il y a une grosse coïncidence. » La veille ou l'avant-veille, vous faites un gros mouvement et ça a duré tout le mois, vous recevez une lettre d'autorisation comme ça. Vous faites le rapprochement assez rapidement, c'est cause à effet, quoi. Je leur envoie des mails toute la journée, toutes les minutes, toutes les heures. J'ai encore les mails, là j'en ai un. C'est quand même très grave, c'est un licenciement d'un père de famille, j'ai 4 enfants, je vais me retrouver du jour au lendemain sans aucun revenu. Pourrais-je avoir au minimum une réponse ou un appel téléphonique ? J'envoie ça, aucune réponse. J'ai le journaliste, le Huffington Post, qui me contacte et qui me dit « j'ai une réponse de Deliveroo ». Oh mais, c'est magique ! Moi, la personne concernée, on ne me répond même pas un mail, on ne m'a même pas appelé. Ils ont répondu, en fait, ça doit être le chargé de communication, je pense, qui a répondu au journaliste de l'Huffington Post et qui lui dit que oui, c'est en raison d'une utilisation frauduleuse ou de vol qu'il a été résilié. Le journaliste, qu'est-ce qu'il dit ? On vous accuse de voler quoi ? Des commandes à 2 euros ou des coca ou des burgers. On vous accuse d'avoir volé les repas que vous voulez. Voilà, de garder les commandes. Bon, j'ai un gros ventre avec 35 commandes par jour, ça fait beaucoup, quoi. Donc lui, logiquement, qu'est-ce qu'il répond ? Il leur demande, mais vous avez des preuves ? Il est resté muet. Il a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas notifié dans la lettre de résiliation ? Il reste muet. Donc il raccroche, il m'appelle, il me prévient. Je dis, mais quand même, ils ont l'audace de ne pas me dire ça, et en plus de dévoiler ça comme ça à des journalistes. Et je leur dis, donc, j'ai volé et on me donne 21 jours de préavis. Mais quelle gentillesse, Deliveroo. Mais malgré tout, le voleur, selon eux, continue encore à livrer. J'ai même réservé pour dans 2 semaines. Mais c'est votre dernier jour de travail. Alors c'est mon dernier jour. On se rend compte qu'on travaille pour un robot, pour une application. C'est pas de l'humain. Un humain, il sait que c'est mon dernier jour. Il m'aurait donné juste mes heures d'aujourd'hui. Il vous aurait fait un petit pot de fin de... Ouais, voilà, ou peut-être. Ouais. Donc demain... Vous... Après, c'est tellement une application de bugger que peut-être que demain matin, va marcher 1 ou 2 minutes. Ça va peut-être bugger. Et quand je vais leur envoyer un mail, ils vont dire « Ah, désolé, non, vous êtes vraiment viré, ça a bugué. » Et ouais, là, je ris, mais franchement, c'est dur. Là, je ris parce que j'ai pris du recul, parce que je me dis, d'un côté, c'est peut-être une bonne chose. Par contre, ma poche, elle dit pas du tout la même chose. En tant qu'indépendant, je n'ai pas de chômage. Donc, en ayant travaillé 55 heures par semaine, en ayant fait plus de 200 heures par mois pendant presque un an, je n'ai pas de chômage. Donc, à partir de demain, je suis à 0 euros par mois. Parce que même pour faire une demande de RSA, il y a un temps de traitement qui dure presque jusqu'à 3 mois. C'est très, très long. Tout ce qu'on vient d'entendre sur le traçage des travailleurs, la récolte des données, leur traitement informatique pour organiser le travail, pour fliquer les gens, noter leurs performances, faire des statistiques, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle maintenant le management algorithmique. Et s'il est systématiquement utilisé à divers degrés dans l'économie de plateforme, donc Deliveroo, Uber et compagnie, il l'est aussi dans des entreprises plus classiques et a tendance à généraliser, tendant à rendre le monde du travail encore plus maltraitant qu'il ne l'est déjà. On est de retour dans le magazine Libertaire. On salue toutes celles et tous ceux qui ont la chance de pouvoir refuser de travailler. Et on va maintenant parler de nucléaire militaire français. Ouais. Carpe diem, cueille le jour, nous exhortait le poète latin Horace. Et comment aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, ne pas une fois encore lui donner raison en nous adonnant à l'hédonisme. Car demain, jeudi 20 février 2020, ce sera la fin du monde. Eh oui, c'est comme ça. Alors je sais, on vous prévient un peu tard cette fois, mais tâchez quand même de bien profiter de votre dernière après-midi, car selon l'astrologue américaine Jean Dixon, nous devrions être témoins d'ici les prochaines 24 heures d'un titanesque combat armageddonique entre Jésus et une coalition internationale composée de Satan, de l'Antéchrist et d'un faux prophète. Rien que ça. Et à l'adresse des tristes sceptiques qui douteraient de la véracité de mes informations, je tiens quand même à rappeler que Jean Dixon fut la voyante la plus célèbre de son temps, conseillère spéciale des couples présidentiels des Nixon, puis des Reagan, et cela après avoir prédit publiquement, et avec une précision troublante, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Alors, fais-moi les malins d'un coup, hein ? Bon, l'honnêteté intellectuelle m'oblige quand même à vous dire que Jean Dixon n'a pas toujours fait que de bonnes prédictions. Au contraire même. Le mathématicien et universitaire américain John Allen Polos a d'ailleurs créé le concept d'effet Jean Dixon, qu'il a décrit comme la tendance à glorifier les prédictions réussies tout en ignorant toutes les autres qui échouent, histoire d'être bien sûr de gagner. Et cela fait quelques millénaires que l'espèce humaine s'essaye patiemment à ce jeu apocalyptique, sans pourtant avoir jamais gagné, ou perdu d'ailleurs, c'est selon. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de constater l'évolution des modes décrivant la manière dont le monde s'évanouira. Alors on va pas se le cacher, sectes et religions tiennent clairement le haut du pavé en la matière. Des millénaires durant, elles se sont d'ailleurs partagées le monopole des prédictions apocalyptiques, le plus souvent basées, à l'instar de notre cher Jean, sur un mauvais cocktail Christ-Antéchrist. Le coup classique, quoi. Et puis, les temps défilant et les mœurs évoluant, nous fûmes irrémédiablement attirés vers d'autres contrées mortelles un peu plus contemporaines. Ce fut, à l'heure des premières conquêtes spatiales, l'avènement des périls extraterrestres, parmi lesquels invasions ou astéroïdes géants venaient troubler notre quiétude. Mais aussi l'aspiration de la planète par un trou noir généré dans le grand collisionneur de particules, basé en Suisse. Ou bien, pour les plus créatifs, le passage dans la quatrième dimension après une inversion du courant de l'énergie. Mais à partir des années 60, la grande mode en guise de prévision de fin du monde, c'est l'apocalypse nucléaire. La prolifération des armes atomiques, dans le contexte flippant de la guerre froide, n'y est évidemment pas étranger. Ni même le fait que de plus en plus de pays à cette époque décident de franchir le pas du nucléaire civil et militaire. La France en tête de gondole, puisqu'elle devenait en août 1968 le cinquième pays détenant la bombe H, après les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la Chine. Vous n'allez pas croire qu'il fut facile pour autant de se doter de cette arme, dite politique, créée dans le but de ne pas s'en servir, selon l'argumentaire fallacieux. C'est qu'avant de fanfaronner en se déclarant puissance nucléaire dans le grand concert des nations, il fallait d'abord et avant tout faire des essais. Heureusement, à l'aube des années 60, la France possède encore un petit bout de son territoire colonial. Parfait. Direction l'Algérie donc, et ça tombe d'autant mieux que l'armée française y est justement cantonnée au même moment, occupée à torturer la population autochtone. Mais bien avant d'aller souiller l'Algérie, la France débute son programme nucléaire militaire dans le courant des années 30. Elle doit attendre pour cela les découvertes successives sur l'atome, à partir de la révélation des rayons X par l'allemand Wilhelm Röntgen en 1895. En passant par la découverte du polonium et du radium par Marie et Pierre Curie début 1900, jusqu'aux travaux d'Irène et Frédéric Joliot-Curie aboutissant à la compréhension du phénomène de réaction en chaîne par fission atomique. Déjà, à cette époque, les applications militaires de l'atome n'échappent plus à personne. Mais nous sommes en 1940 et la France est envahie par les forces nazies. Dès lors, le programme de recherche est suspendu. À la fin de la guerre, en 1945, la France, alors qu'elle était à la pointe quelques années plus tôt, doit désormais composer avec un important retard sur toutes les autres puissances nucléaires. Irène et Frédéric Joliot-Curie, antifascistes de la première heure et pacifistes convaincus, vont longtemps, grâce à leur prestige, ralentir le développement atomique militaire français. Mais après l'appel de Stockholm contre l'armement nucléaire, ils se retrouvent finalement écartés au début des années 50. Au moment même où l'URSS entérine sa bombe A, puis H. La France décide alors d'abandonner clairement ses positions pacifistes pour relancer son programme nucléaire militaire à partir de 1954. D'abord timidement, puis officiellement, dès le retour politique de De Gaulle en 58. Celui-ci va dès lors accélérer le processus, et c'est à ce moment-là que se décide la localisation des premiers essais nucléaires français. Ce sera Reagan, dans le dessert algérien. Ainsi, le 13 février 1960, il y a presque 40 ans, tout pile, la France déclenchait l'opération Gerboise Bleue, sa première phase de test nucléaire atmosphérique, soit l'explosion d'une bombe A développant une puissance de 70 kilotonnes, quatre fois celle d'Hiroshima. Située à 70 km des populations civiles, cette bombe provoquera des retombées radioactives sur un territoire de plusieurs centaines de kilomètres de long en large. Mais pour l'état-major de l'armée française, la mission Gerboise s'est déroulée comme prévu et constitue un prodigieux succès. Suivront ensuite Gerboise blanche, rouge et verte, entre 1960 et 1961. Malheureusement, pour ces petites expériences nucléaires aériennes, la France subit de virulentes critiques de la part de la communauté internationale. Elle est finalement contrainte de poursuivre ses essais, de manière souterraine cette fois, afin d'éviter les retombées radioactives dévastatrices pour les populations locales. Pas question de changer de pays, pour autant. Pourtant, l'Algérie est depuis devenue indépendante. Mais la France réussit à négocier le droit de continuer ses petites expérimentations dans le Sahara. Ce sera cette fois dans les montagnes d'Inecker, à quelques centaines de kilomètres au sud-est de Reagan. La série de tests nucléaires prendra alors les noms de différentes pierres précieuses et s'effectuera dans des galeries creusées spécialement sous la roche. En tout, 13 essais seront exécutés sur ce site, entre 61 et 66. Avec un accident notable dès le deuxième essai, le 1er mai 1962. En présence du gratin de l'état-major et des ministres des armées, Pierre Messmer, et de la recherche scientifique, pour pas dire défense atomique, Gaston Palevski, l'opération tourne au fiasco. Alors qu'elle devait être confinée sous la roche, l'explosion nucléaire crève littéralement la montagne, par une gerbe de feu d'une rougeur infernale. Puis très vite, se forme un énorme nuage noir que le vent pousse en quelques minutes vers l'assistance. Puis, une fois de plus, vers les populations algériennes alentour, dans un périmètre de plus de 150 km. On apprendra par la suite que sur les 13 essais souterrains réalisés par la France, en Algérie, 12 n'auront finalement pas été contenus comme prévu, produisant des fuites radioactives aux conséquences catastrophiques et funestes. Puis, conformément aux accords d'Évian signés au début des années 60 avec le gouvernement provisoire algérien, l'armée française et ses scientifiques nucléaires se voient contraints de quitter l'Algérie en 66. À la recherche d'un nouveau site à saccager, loin des yeux et du cœur de la population française, ils jettent leur dévolu sur les atolls du Pacifique. Ce seront principalement ceux de Mururoa et de Fangatofa. C'est d'ailleurs dans ce dernier site que se déroulera le 24 août 1968 le premier essai thermonucléaire français d'une bombe H pour une puissance de 2,6 mégatonnes. Au total, on dénombrera 46 essais nucléaires dans cette région du Pacifique entre 1966 et 1974, avec des retombées radioactives observées jusqu'à Tahiti, situé pourtant à plus de 1200 km au nord de ces îles. Sur les lieux mêmes de ces essais, on révélera bien plus tard que les retombées constatées étaient alors comparables à celles relevées sur le site de Tchernobyl juste après l'accident de 86. Finalement, les explosions reprendront dans le Pacifique, entre 1975 et 1996, date des derniers essais, pour un total de 147 tirs sur cette période. Il faudra plusieurs décennies pour que les autorités françaises reconnaissent la réalité sanitaire correspondant aux 36 années d'essais nucléaires réalisés entre l'Algérie et les atolls du Pacifique. Les médecins algériens de Reagan estiment que le taux d'anomalie chez les habitants de la région est largement au-dessus des moyennes nationales. On dénombre notamment quantité de cancers de la thyroïde, du sein, des poumons, ainsi que des leucémies, des anomalies congénitales, etc. Il faut dire que chaque pluie dans ces montagnes fait redescendre par écoulement la radioactivité contenue dans les roches jusque dans les sols cultivables des habitants de ces territoires, et qu'il en sera ainsi durant les 24 000 prochaines années, tant qu'aucun nettoyage n'aura eu lieu. Ce que réclament les populations sur place, jusque-là évidemment, en vain. En Polynésie française, le constat est similaire. La France commence du bout des lèvres à reconnaître que l'augmentation du nombre de cancers dans les îles du Pacifique pourrait éventuellement, peut-être accessoirement, être une possible conséquence des centaines d'essais réalisés auparavant par ces soins. Autre vérité inavouable, sortie de quelques archives récemment déclassifiées, celle des centaines de jeunes conscrits envoyés à l'armée dans le cadre de leur service obligatoire et qui ont littéralement servi de cobayes nucléaires afin, je cite, « d'étudier les effets physiologiques et psychologiques produits sur l'homme par l'arme atomique, positionnés qu'ils étaient, de manière stratégique et tactique, à proximité des lieux d'explosion, sans protection, pour de meilleurs résultats, cela va sans dire. Que ce soit finalement pour les civils ou les militaires, l'armée a fait ensuite ce qu'on attendait d'elle, à savoir la production de rapports tronqués présentant des essais « propres », entre guillemets, rapports contredits ces dernières années, évidemment, puisque les zones impactées se sont révélées être en fait beaucoup plus importantes que celles prévues et étudiées alors. Une manière comme une autre de dégonfler les chiffres du réel impact de ces essais. Depuis 2013, des commissions parlementaires ont été chargées de réétudier ces conséquences, mais n'ayant accès qu'à un petit nombre de documents, la plupart restant classés secret défense et restant dans tous les cas partiaux et faussés à la racine, nous pouvons d'ores et déjà considérer qu'il n'y aura jamais de véritable bilan rendant compte des répercussions des essais nucléaires militaires français. Carpe diem, quam minimum credula postero. Cueille le jour sans te soucier du lendemain, disait donc le poète Horace. Une maxime que l'État français a toujours su faire sienne, l'adoptant diaboliquement à la lumière radioactive des temps modernes. Salut, eh ben on est de retour au magazine Libertaire et on va passer aux annonces. Au cas où ce soit pas la fin du monde aujourd'hui. Des fois que peut-être on perd notre temps, mais on va le faire quand même. Bon, alors du coup, moi je vais vous causer donc d'une présentation de la lutte contre CIGEO à Bure. Ça se passe à Rennes et c'est aujourd'hui à 18h. Alors, à Bure, dans la Meuse, le projet CIGEO d'enfouissement des déchets les plus radioactifs de France est prévu pour s'implanter à 500 mètres de profondeur sur près de 300 km de galerie, soit donc le plus grand projet européen de l'industrie nucléaire. Depuis 1994, de nombreuses mobilisations ont émaillé la lutte contre ce projet. Plusieurs générations militantes, avec des pratiques très diversifiées, se sont relayées, fondues les unes dans les autres au fil des ans, s'installant sur place et dans le territoire autour de Bure. Malgré cette longue histoire militante, c'est surtout dans les trois dernières années que Burr s'est fait connaître en dehors des réseaux antinucléaires, notamment à travers une occupation de forêts très médiatisée et des manifestations tumultueuses. Ces dernières, rejointes par des centaines de militants et militantes de tous horizons, ont aussi entraîné une brutale répression, simultanée à celle qui a touché Notre-Dame-des-Landes. Des dizaines d'arrestations, de perquisitions, près d'une quarantaine de procès, l'ouverture d'une instruction en association de malfaiteurs à l'encontre de l'ensemble de la lutte ont lourdement touché les opposants et opposantes mobilisés sur place. Mais elle a aussi entraîné une décentralisation de la lutte, avec notamment la création de dizaines de collectifs de soutien en France, qui restent très actifs jusqu'à aujourd'hui, organisant événements de soutien et d'information autour de la lutte contre CIGEO et plus largement l'industrie nucléaire. C'est un peu de cette histoire que les opposants et opposantes présentes à cette soirée vont partager avec vous à travers des discussions et l'échange d'informations en mots et en images. Donc voilà, ça se passe à la Maison de la Consommation de l'Environnement, 48 boulevard Magenta à Rennes, et c'est ce soir à 18h. Toujours au sujet de Burr, alors du côté de Burr, on l'avait déjà annoncé mais on le rappelle, du 24 février au 1er mars, il y a une farandole d'activités féministes et antinucléaires en mixité choisie, sans hommes, cisgenres. Donc à la suite du week-end de septembre donc, qui a eu lieu à Montier-sur-Sault, il y a différents collectifs qui sont formés en mixité choisie, sans hommes, cisgenres, autour de la question du nucléaire et des stratégies à mettre en place pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. C'est ainsi que sont nées les bombes atomiques de Toulouse, de Bretagne, d'Île-de-France, etc. Alors, les bombes de 55 invitent à continuer à se questionner, à se rencontrer, à se renforcer et à imaginer plein de belles idées pour la suite du monde. Et pour ça, donc, nous, bombes du 55, nous invitons à Burr, à l'endroit même où l'ANDRA est en train d'avancer ses pions pour la création du projet CIGEO d'enfouissement de déchets nucléaires. Donc, pendant cette semaine du 24 février au 1er mars, il y aura des points sur la lutte à Burr et un tas de documentation autour de ce projet, des discussions sur les pratiques de lutte sans mec cisgenre, des ateliers arpentage de livres sur l'écoféminisme et les luttes de meufs dans les luttes antinucléaires, un atelier autogynéco, un atelier autodéfense sous réserve de confirmation, un atelier do it yourself, ta cuisine, électricité et plomberie, un atelier démontage, fabrication et réparation de vélos, une caravane bibliothèque féministe toute la semaine, des balades et divers chantiers dans divers lieux de lutte. Et le samedi, c'est carnaval, donc tu peux ramener tes costumes, de quoi faire du bruit et ta machine à coudre. Et voilà, voilà, il est rappelé qu'en fait, dans cette région, donc, il peut faire froid, il va sûrement faire froid, et que les personnes donc, qui veulent participer à cette semaine ramènent des couvertures et de quoi avoir chaud. Il va peut-être y avoir du monde, alors si tu as un camion aménagé ou une voiture aménageable, c'est le moment de les ramener. On va s'organiser pour que le maximum de monde puisse dormir à la Maison de la Résistance et dans des lieux autour. Et les personnes peuvent prévenir donc, de leur venue à bombe du 55 tout attaché at riseup.net. Vous pouvez retrouver ces informations sur burburbur.info. Mercredi, donc aujourd'hui à 19h à B17, il y a un apéro débat contre les violences machistes qui est organisé par l'UCL. C'est un apéro débat pour aborder la question, enfin l'actualité des violences machistes, et ce sera aussi l'occasion de questionner les orientations qu'on peut se donner pour massifier les luttes féministes et envisager la construction d'une grève des femmes pour le 8 mars. Donc c'est mercredi 19 février à B17, c'est 17 rue Paul Bellamy au fond de la cour à gauche, et il y aura un espace d'organisé pour l'accueil des enfants. Alors du côté de Saint-Nazaire, demain à partir de 19h à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire et alentour, 37 avenue Albert Demain, il y a un ciné-jeudi, numéro 4, donc, qui s'intitule Marina Leda, un village en utopie. Donc, ciné-jeudi, donc chaque semaine, chaque jeudi soir, donc à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, nous vous proposons un moment d'éducation populaire, politique et collectif autour d'un documentaire ou d'une fiction, afin de réfléchir sur le monde qui nous entoure, sur les luttes, sur des alternatives, etc. Nous vous proposons de nous retrouver autour d'une expérience politique collective et démocratique assez unique, le village de Marina Leda, qui est un exemple d'une autre manière d'organiser nos vies au quotidien. Donc voilà, vous pouvez... est-ce qu'il y a un lien ? Non, je n'ai pas de lien. Vous pouvez retrouver cette information sur nantes.indymedia.org. Ok, alors moi je vais vous causer de la projection du documentaire La bataille de la plaine. Marseille, février 2019. La plaine, non populaire de la place Jean Jaurès, est encerclée par un mur d'1,50 m de haut pour assurer le bon déroulé des travaux. Il enferme définitivement le rêve d'un quartier fait par ses habitants. L'histoire dominante est amnésique, elle ne fait pas cas du commun construit jour après jour. Pourtant, ce qui s'est passé derrière ce mur continue à guider nos pas. Passons de l'autre côté pour en faire le récit. C'est par ces paroles que débute le documentaire du collectif marseillais Primitivi, retraçant les 3 ans de lutte contre la requalification du quartier de la Plaine, qui ne dit pas son nom. Expulsion d'une classe populaire cosmopolite, sous couvert d'un avenir aseptisé et du nouvel Eldorado chanté par nos édiles municipaux, le tourisme, etc. À l'issue de la projection dans la convivialité, nous vous invitons à une discussion libre avec la participation du collectif des habitants du quartier L'Amour les Forges, en requalification, et du collectif d'artistes de la commune sous la menace d'une expulsion. Donc ça se passe jeudi à 20h, c'est au Canon à pâte, 51 rue Alsace-Lorraine à Rezé. Samedi, tu avais un truc avant ? Ouais. Allez. Vendredi, là on repart à Rennes et donc c'est S'unir face au fascisme. À l'initiative de militantes féministes de Rennes, soutenues par l'UCL et le NPA, nous organisons une intervention d'Hugo Paletta à 18h. Son livre « La possibilité du fascisme » est une invitation à s'organiser massivement contre les dynamiques en cours en France. Une militante de CERFA, coordination grecque antiraciste et antifasciste, qui a réussi à fédérer largement contre le parti d'Aube Dorée, interviendra également pour présenter son combat. Laura, membre de PEFRA, militante féministe, queer et antifasciste, interviendra sur les nécessités de pousser la critique antisexiste dans le milieu antifasciste. La rencontre de ces différents espaces de lutte est une condition nécessaire à l'élaboration d'un front antifasciste large et populaire. En effet, la situation actuelle ne nous laisse plus le choix d'être nombreux, nombreuses, organisées et déterminées pour lutter contre le danger fasciste. Donc ça se passe à la maison du quartier Villejean, 2 rue de Bourgogne à Rennes, et c'est vendredi à 18h. Samedi, c'est bon cette fois, on passe à samedi. Samedi 22 février, donc samedi là, à 19h à la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Il y a les Amas Jaunes qui vous proposent de venir participer à l'ouverture de leur projet, recueil de témoignages anonymes sur les violences faites aux femmes. Et c'est une soirée ouverte à toutes et tous, et la proposition de la soirée, c'est de visionner 2 courts-métrages, et ça sera suivi de la lecture des textes, du coup j'imagine des textes du recueil de témoignages, c'est pas précisé, et la proposition après, c'est de rester manger sur place. Toujours samedi et toujours à Saint-Nazaire, les Amis de May, dont on a déjà parlé ici, proposent une soirée sur l'autogestion et le partage, un partage d'expérience sur l'autogestion. Ça sera avec le Café de la Pente, qui est un café associatif à Rochefort-en-Terre, dont on a aussi déjà parlé ici. Et avec B17, un local de Nantes dont on a aussi déjà parlé ici. Ce sont 2 lieux de lutte et de lien, l'un à la campagne et l'autre à la ville, des milliers d'heures de réunions après. Voyons donc comment ça a commencé et comment ça se poursuit entre joie, doute et remise en question permanente. Venez découvrir et partager vos, nos et leurs histoires. Alors dimanche à midi, donc sur cette antenne même à Jet FM en direct, il y a l'émission de radio Casse-Muraille, qui est une émission diffusée donc tous les dimanches de midi à 13h, ou sur Jet FM 91.2, ou sur internet jetfm.fr. Donc Casse-Muraille, ça s'adresse aux détenus et leurs proches pour qu'ils et elles puissent transmettre des messages sans que l'administration pénitentiaire ne s'en mêle. C'est aussi une émission contre les prisons, pour rompre l'isolement, contourner la censure et témoigner de ce qui se passe entre les murs. Avec Casse-Muraille, tu peux laisser un message ou une dédicace en direct, ou quand tu veux, par téléphone, mail, Facebook, courrier. Ça sera diffusé pendant l'émission. Donc pour laisser des messages, vous pouvez contacter donc par messagerie, par SMS ou en direct au 07 82 98 43 59. Le mail, c'est casse-muraille, donc tout attaché, avec Muraille avec un S, @riseup.net. Et il y a une page Facebook, Casse Muraille. Et sinon, vous pouvez adresser des courriers à Casse Muraille chez Jet FM, Le Grand B, 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain. Et on en a fini pour les annonces. Et du coup, juste avant de se quitter, moi, je voulais vite faire revenir sur le fait que la fresque qui a été faite en hommage à Steve, donc cette personne qui est morte suite à une charge de la police et du coup qui est morte noyée dans la Loire à Nantes le soir de la fête de la musique, il y avait une fresque près du lieu où il est mort, et cette fresque, elle a été pour la deuxième fois en 15 jours recouverte par des fachos, par des gens d'extrême droite. On imagine en soutien avec la police, et en tout cas pour soutenir l'action de la police. Du coup, voilà, on est un peu dégoûté de ce genre de truc. Et puis on adresse notre soutien aux proches de Steve et évidemment à toutes les victimes des violences de la police. Et on voulait vous faire écouter un son. Qui a un texte mis en musique, et bah voilà, on vous laisse avec ce son. Ce matin, le ciel est bleu, mais nos cœurs sont gris. Ma mère m'a appris à me battre pour mes idéaux, à ne pas baisser les bras, ne pas dire tout bas ce qu'on peut dire tout haut. Elle m'a dit qu'on finirait par gagner. Elle m'a pas dit quand, faut juste espérer. Gagner quoi, je me le demande. La planète meurt et on l'achève à coups de lacrymogène dans la face des pauvres gens. On nous accuse de pas en faire assez depuis nos appartements de cité, depuis nos petites maisons de campagne. Ils nous regardent désabusés avec mépris du haut de l'Élysée, de la Maison Blanche ou de Buckingham. Les rois anciens, les rois modernes, les rois des champs, les rois des villes, ceux qui s'étouffent sous leurs privilèges, on nous regarde comme des petites fourmis. Cela jouerait presque comme Douy. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu... Mais maintenant dites-moi, qui donc as-tu estime ? J'ai pleuré pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, meurtries par les autorités, passées sous les roues du pouvoir, écrasées sous le poids d'assassins en liberté. Mauvais moment, mauvais endroit. Adama, Rémi, Ziad et Bouna. Mais maintenant dites-moi, qui as-tu estime ? Ils nous laissent là sans réponse, sans justice et nos larmes amères en guise de deuil. Paraît que la planète crame ? Apparemment leur plan c'est de sauver l'argent et de tuer les gens. Parfois je me sens un peu triste pour eux. Imagine leur tête quand ils brûleront avec nous, avec les riens et les branleurs. C'est à n'y rien comprendre, comment peuvent-ils être aussi cons ? À croire que quand t'es trop haut, la mort se cache et n'est qu'une plaisanterie. À ces gens, je leur dis, survivre dans un livre d'histoire ne te laissera pas en vie pour le voir. Maintenant, regarde sur tes mains, regarde. Le sang, ça coule et ça tache. Si t'as la conscience tranquille, tant mieux pour toi. T'inquiète pas, la mort s'en occupera. Avec un peu de chance, la justice avança. Ils assassinent nos grands-mères, déportent nos grands-pères. Ils nous tuent au travail, dans la rue, ils nous tuent même dans nos appartements. Marseille a perdu un soleil, Zineb. Mais c'est pas de leur faute, non, non, c'est les pauvres qui sont bruyants, c'est les jeunes qui font la fête, c'est le peuple qui crève de faim. On est trop bêtes, on ne comprend pas toutes ces lois, ces assassinats. C'est pour notre bien, c'est pour que le plus grand nombre survive. Le plus grand nombre ou les plus gros comptes en banque. On ne sait plus. C'est trop confus. Paraît qu'on n'avait pas à être là. Mauvais moment, mauvais endroit. Trop de victimes, trop de noms. Mais maintenant dites-moi, mais qui donc as-tu estime ? Nous on sait bien qu'on va crever, c'est pas la peine de nous précipiter. Ils sont doués, pour un peu ils vont y arriver. On n'a plus rien à perdre, mais on n'a pas la force non plus. On est fatigués. De défaite en défaite, de mort en mort, d'œil perdu en mains arrachées, on se demande si ça vaut la peine. Ma mère m'a dit qu'on allait finir par gagner. Faut pas lâcher, faut pas pleurer. Ou pleurer de rage alors, ouais.

péniche. S'assure de ma mort, frappant ma tête sur la corniche. Je tombe comme un déchet au vide d'ordure. Dans la chute, violemment, ma nuque a touché la bordure. Liquide, poignardant tous mes orifices. Le fleuve glacial, un bûcher chaud pour mon sacrifice. Monsieur Papon a jugé bon de nous noyer. Aucun pompier pour étouffer le foyer. On n'éteint pas des braises avec un verre de gasoil. Sans penser aux tirailleurs et combattants soif. Mon cadavre, emporté par le courant, sera repêché dans les environs de Rouen. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Des cas des os pour les gens des humanes os. Déshumanisés, les basanés ne font pas de vieux os. D'étranges nénuphars flottent sur la scène. Séquence long métrage, les yeux plongés dans la scène. Un saut de piste dans lequel on noie des rats. Octobre noir, ratonnade sous les boulevards. Ici, rien de bon pour les ratons, m'a dit le commissaire Maurice Papon. 4 mois plus tard, on ratonne à Charonne. Les crouilles et les cocos qui aident les bougnoules. 132 ans d'occupation française ont servi à remplacer nos cœurs par des braises. Algérie, en vert et blanc, étoilé croissant. Devoir de mémoire grandissant, Djezaïr. À 20h45. Ouais, salut Médine, c'était Mélanie, Diams. Bah écoute, je t'appelais parce que je suis allé sur le forum du CSA, comme tu m'as dit, au sujet de ton album. Franchement, j'ai flippé. Franchement, c'est flippant comme certaines personnes peuvent être autant à côté de la plaque. Ils te prennent sérieusement pour un terroriste. On dirait que tu vas tout faire péter, tout ça. Bon, franchement, tu devrais leur faire un titre plutôt que de leur répondre individuellement parce que tu vas perdre du temps et comme ça, les prochains, ils seront avertis. Je sais ce que c'est. J'ai déjà reçu des mails assez bizarres, des gens qui pensent que j'ai des idées cheloues. Mais bon, je t'en transférerai quelques-uns, comme ça, tu rigoleras un peu, toi aussi. Bon, en tout cas, bon courage. Vas-y, déchire tout et rappelle quand tu peux, ok? Ciao, à bientôt.